On est le matin du 3 janvier 1950 à Los Angeles. Toi, Carl Sewell, t'as été appelé tôt dans la matinée par ton supérieur qui t'a demandé de te rendre sur la Shadow Canyon Road, une petite route dans les montagnes de Santa Monica, à l'ouest de la ville. On t'a demandé de t'y rendre parce que le bureau de shérif de Brentwood a reçu un appel anonyme qui signalait la présence d'un cadavre au bout de la route en terre, au milieu d'un champ. Tu fais partie de la division des mœurs d'Hollywood et c'est ce qui semble être un homicide, en tout cas un crime assez particulier, donc c'est ta division qui a été appelée pour se rendre sur la scène. Donc tu prends ta voiture, t'étais déjà réveillé quand t'as reçu l'appel. Il est environ 7 heures quand t'arrives sur les lieux du crime. Donc tu remontes la petite route terreuse à sens unique. Au bout d'une montée, tu commences à apercevoir un cordon de police qui était mis en place, quelques voitures, puis déjà des journalistes en train de prendre quelques photos, de noter des informations sur leur calepin. Donc t'arrives, tu te gares à côté des voitures de police, et en descendant, tu remarques derrière le cordon de sécurité un homme que tu connais, c'est le shérif McCormack. Le shérif en chef, du comté de Brentwood. Donc, tu vois qu'il t'a aperçu. Tu descends de ta voiture. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, descends de ma voiture, je fais une dernière gorgée du café que je m'étais préparé avant de partir. Mm-hmm. Je m'allume une cigarette et je me dirige vers McCormack. Je passe devant les policiers, je vais droit au but. De toute façon, j'ai ma plaque visible, ils savent très bien qui je suis. Je me dirige vers lui. Je lui tends la main. McCormack. Sewell. On m'a appelé pour un homicide, c'est ça ? Effectivement, je crois qu'elle est pour vous, celle-là. Je vais aller jeter un œil. Il y a déjà tous les journalistes, là. On commence à avoir l'habitude. Hein. Ouais. Bon, allez, suivez-moi. Vous avez des petites informations à me donner avant que je voie le cadavre ? Ouais. Bon, on a trouvé le corps après un appel. Anonyme, je vous montrerai la transcription plus tard. Et effectivement, on a trouvé le corps d'une jeune femme, type caucasien. Brune. Assez jolie, encore du maquillage sur elle, sur le visage. Et elle est étendue là-bas, au milieu des herbes, au bout du chemin. Des traces de violence sur le corps ? Écoutez, je vous laisserai regarder, mais a priori non, et surtout elle est complètement nue. D'accord. Mis à part des chaussures à talons aiguilles qu'elle porte encore sur elle. La scène a été inspectée Non, on a d'abord établi le périmètre, et puis on vous a appelé aussitôt, c'est bien. Et on vous a laissé faire. C'est bien. Écoutez, je reste un peu derrière, je vous laisse faire le tour. Ok. S'il y a quoi que ce soit, vous venez vers moi. Ok. Je me dirige vers le cadavre, du coup. Mmh. Donc tu passes. Je passe le cordon de délimitation de la scène de crime. Tu continues le chemin, tu vois que t'as des herbes hautes. Ouais. Jaunies par le soleil de la Californie. Et effectivement, tu distingues à moins de 100 mètres devant toi un corps allongé par terre. D'accord. Complètement nu. Je m'y dirige. Avant d'analyser le corps, j'analyse un peu aux alentours. Si je vois des quelconques traces par terre. Je sais pas, le corps qui a été traîné, vraiment. T'arrives, tu vois déjà dans la terre quelques traces de pas. Qui comme ça, en un premier coup d'œil, tu supposes que c'est des traces de pas des policiers. Ouais. Qui ont découvert le corps, en plus elles vont dans les deux sens. Sinon, fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. C'est raté. Là, c'est pour le coup, t'as pas encore. C'est un premier coup d'œil. t'as pas inspecté véritablement de manière plus précise. Donc là, tu vois juste ça, et puis t'arrives à la hauteur du corps. Bah, je commence à du coup analyser. Je regarde ben, d'abord, jette un coup d'œil, je mets mes gants bien sûr pour pas laisser de quelconque trace dessus. Donc jette d'abord un coup d'œil vraiment sans rien toucher. Du coup j'analyse, le corps est nu, Oui, d'après mis à les part, informations que j'ai eues. tu vois les talons aiguilles Les noirs. talons aiguilles noirs. D'abord au premier coup d'œil, ouais, je regarde ce que je voulais savoir s'il y a des traces de violence dessus. Donc tiens, tu la vois, elle est sur le flanc. Donc tu vois pas distinctement le visage, mais à la vue du dos et quand tu fais le tour, etc., sur le reste du corps, pas d'hématome, pas de traces rouges, rougeâtres. Donc de ce que tu connais, de l'expérience que tu as, t'as déjà vu quand même des corps. Il n'y a pas d'avoir de blessures. En tout cas, pas de blessure contondante, tranchante, ni même de coups. Le corps est plus ou moins immaculé, quoi. Alors je commence à du coup m'approcher, je m'accroupis devant le corps, donc je sors un espèce de bâton que j'ai sur moi, un petit stylet du moins, pour dire de pouvoir manipuler sans avoir à toucher, même si j'ai les gants. Je commence un peu à regarder, donc pour l'instant vraiment sans bouger la position, je regarde l'intérieur de la bouche, j'essaye de regarder les pupilles aussi pour essayer d'analyser si possible depuis quand elle est dans cet état-là, si je peux essayer au moins d'avoir une idée sur l'heure du crime, ce genre de choses. Ok, donc même avec un examen plus minutieux, tu vois pas de traces apparentes de lutte. Les yeux sont normaux pour un cadavre, ils sont pas par exemple complètement rougis ou ce genre de choses. Après, pour ce que tu me demandes, tu peux faire un petit jet de criminologie Du coup, ouais, je regarde aussi pour la raideur estimer, cadavérique, voilà, ce genre de choses, hein. pour estimer avec ce que tu sais plus ou moins ce qui pourrait être l'heure de la mort. C'est un raté aussi. Tu sais pas, en tout cas, il n'y a pas du tout de décomposition. Donc j'estime que elle est pas là depuis plusieurs jours, quoi. Ça fait. Non, pour toi, c'est ouais, 24 heures tout au plus. Moi, vous avez été prévenu là, si vous êtes tôt dans la matinée. Donc, pas plusieurs jours. En tout cas, selon toi. Je continue un peu l'examination, un peu, on va dire, l'habitude du métier, du moins de la brigade des mœurs. Tu es un peu à des crimes spécifiques. Donc je regarde vraiment tout, par contre, tout en détail. C'est-à-dire qu'elle est nue. Oui. Il y a très certainement, enfin, une des suppositions qui est une raison qu'elle soit nue. Donc je regarde s'il y a du moins eu, je suis pas médecin légiste, mais une quelconque trace de viol ou ce genre de choses. Même s'il n'y a pas de violence, il peut quand même y avoir, si elle était droguée ou ce genre de choses. Là, tu... incapable de le dire. Ouais, c'est pas. Et pendant que tu fais tout ça, t'entends un peu de... raffus entre guillemets, enfin des gens qui parlent un peu fort derrière toi. Et en te retournant, tu vois qu'un homme est passé au-delà du cordon de la police. Un homme qui est pas du tout habillé en policier. Et tu l'entends dire non, non, c'est bon, je le connais, je peux y aller, j'ai ma carte. Je me lève. Et il arrive vers toi et tu le distingues. Je me lève, mais vraiment au moment où, si possible, au moment où je le vois passer, je me lève instantanément, je me rapproche de lui pour qu'il soit le Donc là, il y a plus plusieurs loin. centaines de mètres encore. Voilà, pour qu'il soit le plus loin possible du cadavre. Je veux pas qu'il l'approche. Tu commences Je suppose que c'est un journaliste à te si j'entends rapprocher. qu'il me parle de cartes. Et effectivement, tu reconnais un homme. C'est Dewey Flynn. Dewey Flynn. Un journaliste que tu connais plutôt bien, qui est un peu plus une connaissance. Hein, vous avez déjà parlé en dehors du boulot. Parce que tu sais que malgré le fait qu'il travaille pour un journaliste un peu, un journal pardon, un peu à sensation C'est ça. pour les scoops. C'est Holy Scoop justement le Holyscoop. journal qui est spécialisé dans les histoires de mœurs, de crimes un peu sordides. Mais malgré tout, t'as confiance en lui parce que tu sais qu'il a une certaine éthique et vous êtes déjà rendu l'appareil, tes contacts, ses contacts sur diverses affaires. Je Et tu m'approche vois de qu'il lui. arrive. Monsieur Sewell, Monsieur Sewell! Monsieur Flynn, je vois que Bonjour, toujours il le tend la premier main. sur les scènes, hein. Oui, j'ai écouté, j'ai été mis au courant là, de ce qui s'est passé ici, c'est assez inhabituel. C'est ça, Et je voulais savoir si vous avez des infos, etc. à me Écoutez, donner. je viens d'arriver là il y a 10 minutes, un quart d'heure. Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup d'informations, je suis en train d'analyser le corps. Pour l'instant, je vais. Enfin, vous comprenez que j'ai besoin un peu de calme. Je vais Ouais, bien juste vous sûr. demander de retourner derrière le cordon si je reviendrai vers vous. Mais pour l'instant, je pense qu'il est un peu trop tôt pour vous pour être là. Après, écoutez, voilà, j'aimerais aimer prendre quelques photos. Évidemment, je les donne pas aux journaux, ni même le mien, mais je les fais développer, j'en garde un double, je vous les donne. Et puis, on peut s'échanger des bons procédés. Ouais, bah Moi, j'ai des écoute. contacts parce que j'ai l'impression que un corps comme ça, en pleine nature, ça serait peut-être lié au monde du spectacle. Enfin, je ne sais pas, une fille, une femme comme ça, nue. Avec les talons aiguilles, c'est peut-être un message qui est envoyé. Alors je me dis que je pourrais chercher de mon côté et peut-être. Écoutez, vous pouvez prendre quelques photos, Si vous mais. pouvez me faire confiance, il n'y a rien qui Sans, va. ouais, vous avez l'habitude de ça, mais Et je vous pas les trop envoie au plus longtemps. vite, comme ça vous pourrez travailler un peu plus Ok. efficacement. Mais pas plus de 1 mètre du corps, par contre. Hein. Ok, très bien. Écoutez, C'est les j'en prends règles. 4-5 et. C'est les règles. Faut pas que vous veniez souiller D'accord. la scène. Ok, merci. Je vois qu'il comprend ce que tu dis et tu fais le tour. Toute façon, j'ai confiance en lui. T'as confiance en lui, tu sais Je que. sais qu'il va pas me la faire à l'envers. Donc, je peux lui laisser quelques temps. Tu Mais pas peux. trop longtemps non plus. Parce que même, je veux pas que Voilà. ça commence à éveiller un peu. Le mécontentement pour les autres journalistes, parce que j'imagine qu'il n'est pas tout seul. Alors, tous les journaux de la ville qui ont déjà l'information sont là, j'imagine. Et justement, il se rend compte de la chance qu'il a, donc il fait vite et puis au bout d'à peine une minute, le temps qu'il prenne chaque cliché. Il te remercie et il viendra te revoir Par pour. contre, Flynn, on est d'accord, ça vous les Non, gardez les ça photos. reste Hein. entre nous jusqu'à temps que. Je veux pas les voir apparaître. Ouais, bien sûr. Super. Il n'y a pas de souci là-dessus, On mais se merci. revoit On se bientôt. revoit très vite. Il repart, t'entends le shérif un peu crier sur lui en mode allez, allez, vous-en, vous avez rien à faire ici, etc. Et justement, le shérif vient un peu vers vous. Alors, tout va bien, hein, détective? Bah écoutez, pour l'instant tout va bien, aucune marque sur le corps. J'ai un peu fait quelques fouilles un peu rapides pour l'instant. J'ai rien trouvé. Cadavre, pour moi, c'est moins d'un jour. Pas de traces de décomposition. Ouais. Les pupilles, absolument rien. Pas de violence. Donc aucune Ouais. suspicion de lutte de ma part pour l'instant. Il semblerait qu'elle était déposée là. De toute façon, je vois pas trop d'autres. Pour l'instant, ben, il est encore un peu trop tôt pour Écoutez. réfléchir à la cause, mais Il sort une feuille. très certainement un empoisonnement. Ou... Il dit, j'ai la transcription de l'appel anonyme qu'on a reçu ce matin. Ok. Il a été reçu au central à 5h23. D'accord. Apparemment, c'était une voix d'homme, peut-être entre 30 et 40 ans, on ne sait pas trop. Donc il aurait dit, je cite, je vous préviens que vous trouverez un cadavre dans les champs après Shadow Canyon Road. Une erreur, rire. Il aurait ri à ce moment-là. Ce sera le dernier que vous retrouverez. Rien. Et ça a Ok. coupé. Donc c'est. Sans doute que c'est l'auteur du Je peux crime. pas omettre cette hypothèse-là. Aucune, du coup. J'imagine aucune trace de peur. Si elle est rien. Non, il semblait plutôt satisfait. Enfin, c'est ce qu'on m'a Satisfait. dit. Ok. Au moins, il a prévenu la police. C'est pas le cas de tous ses congénères. Ouais, c'est sûr. Non, bah c'est intéressant. Donc aucune information autre sur lui. Pas Non, bien sûr. de ce son derrière. Sa voix qui Non. pourrait. Uniquement une voix d'homme. Ok. Donc Adulte. vous pouvez me répéter l'heure? 5h? 5h23 du matin, 5h23? aujourd'hui. Ok. Bon, si vous voulez encore faire un tour, Non, sinon on je vais va. continuer la fouille hein, pour l'instant. Le légiste Je arrivera vais encore bientôt inspecter un et. peu et je vais attendre le légiste. Ouais. J'aurai quelques Très bien. recommandations à lui faire. Je retourne au niveau du cadavre. Ouais. Là, je vais vraiment commencer une fouille vraiment. Bah, du coup, qui a été un petit peu interrompue par l'arrivée de Donc, Flynn. Flynn, ouais. Je vais recommencer la fouille, mais un peu plus grosse, quoi. Donc, Ça prend un peu je plus vais de un peu plus temps. dé je vais déplacer le corps. Je vais donc bien sûr, je fais attention. Je vais essayer un peu de retirer les chaussures s'il y a une quelconque indication. Bien sûr, bon, je pense que je l'aurais vu, mais je cherche une quelconque trace, un tatouage, même une blessure, enfin quelque chose aussi qui pourrait nous permettre d'identifier la victime. Donc vraiment, Ok. si je peux avoir, donc bien sûr aussi, ça je l'ai fait avant, mais je note la couleur des yeux, tout ce C'est des qui, infos que tu voilà, toutes les retrouveras informations par importantes le légiste et tout. qui pourront me permettre d'identifier le corps. Ok. Parce que pour l'instant, bon bah, comme j'ai pas d'informations réelles sur le corps, Ouais. c'est le plus important pour moi. Donc vraiment, si je peux avoir une petite marque, je regarde les pieds, je regarde tout en vrai, mais là vraiment tout. Bien sûr, je peux pas faire le job du légiste, c'est pas mon travail, mais j'essaye de faire vraiment comme je peux au niveau de la recherche, Ok. l'inspection du corps, quoi. Ça prend un petit moment parce que t'es un Ouais. peu plus méticuleux, C'est ça. tu fais ça avec plus de sérieux et d'attention. Et donc tout ce que tu fais, t'enlèves les chaussures, etc., ça t'apporte aucune nouvelle piste. Ok. Vraiment rien, ça te déstabilise un petit peu. Et donc au bout d'une heure, tu commences à plus te pencher sur les alentours, un peu plus Juste précisément entre les fourrés, etc. petite question avant ça, tu me parles de... Parce que c'est une des hypothèses que j'ai, talons aiguilles, maquillage. Est-ce qu'au niveau du maquillage, ça pourrait ressembler à un maquillage d'une femme, peut-être de joie ou ce genre de choses, comme il y a beaucoup du côté d'Hollywood, le showbiz, tout ça, Tu vois qu'elle est très c'est maquillée. très commun. Ok. Et c'est un peu en train de passer parce que voilà, elle a Forcément le passé du temps. temps ici. Mais elle est très maquillée, c'est pas forcément un maquillage, on va dire, de jour Donc au moins un maquillage de classique. soirée quoi. Donc Voilà. vraiment on sort pas. Joli rouge à lèvres, clinquant, beaucoup de fards, Pareil, les etc. talons, peut-être Les des talons de talons d'une soirée, ouais, marque. bien sûr, tu peux. Non, t'es pas capable de distinguer, mais. Avec ces quelques indices-là, parce qu'il n'y a pas d'habit et tout, je suppose qu'elle était quand même apprêtée, Pour un événement, quoi. sans doute. Ok. Et donc, en t'éloignant un peu plus sur les rebords de la Seine, etc., les fourrés, etc., tu remarques des traces de pneus Ok. qui ne s'arrêtent pas exactement là où est la victime, mais un peu en amont, etc. Et les traces de pneus qui distinctement prennent le chemin pour aller. Vers là où est déposé le corps. Donc c'est les mêmes, il y a une seule trace de pneu, donc il est arrivé, déposé, il a reculé quoi. Enfin, il n'y a pas. On marque pas plusieurs Tu traces. vois que Enfin, elle c'est pas s'arrête à forcément un linéaire, endroit. parce que s'il a reculé, il a sans doute Ouais. un peu dévié. Elle s'arrête à un endroit, Voilà. elle ne continue pas vers quelque part. Non, Enfin, il est non, non, non. arrivé d'un endroit, il est reparti par là, quoi. Il n'est pas allé plus loin que. Bah, j'essaye du coup d'analyser au niveau des traces de pneus. Du moins, à peu près où il s'est arrêté, bon. Je pense que c'est un peu compliqué d'avoir des informations juste par rapport aux Ouais. traces. Hein. J'aurais pas la marque, mais du moins je peux déjà m'imaginer si les pneus par rapport à la taille, si c'était quel type de véhicule peut-être entre un véhicule, un SUV, enfin pour l'époque, un véhicule un peu plus gros avec des plus grosses roues. Je sais pas si j'ai cette information-là. Ce que tu vois juste, c'est que c'est des roues assez imposantes. Ok. Pas forcément des véhicules de tous les jours. Ça, c'est avec le peu de connaissances que tu as, et surtout vis-à-vis des traces comme ça dans la terre, c'est compliqué. Ouais. Donc là, t'en sais pas plus, il faudrait que tu demandes des infos à des gens qui s'y connaissent, que tu puisses demander un avis extérieur. J'essaye au maximum de choper des informations justement sur ces. Est-ce que j'ai un appareil photo sur moi? Non, pas sur Non. toi. Ouais, j'essaye un peu de prendre les mesures un peu approximatives. Je sais pas si j'ai du matos pour mesurer, mais du moins je sais à peu près que avec mon stylet ou avec mes Tu peux doigts, quelque demander chose à un comme ça. policier qui Ou tient le peut-être. cordon un mètre ou Ouais, quelque c'est ce chose du que je vais genre. faire. Ok. Je vais aller voir un policier, je vais demander un mètre. Et trouve ça si tu veux mesurer. Ok, nickel. Bah, je commence à prendre des mesures justement. Tu prends les dimensions, largeur, nanana, t'essaies de décrire un petit peu. Donc t'as une idée Au moins des roues, approximative. je pourrais savoir quel type de véhicule ça peut être approximativement parlant, quoi. Vraiment, j'aurais pas la marque et le modèle, mais. Bah, du coup, je continue un peu. Donc, je prends vraiment. Ça, il est à environ C'est-à-dire 8h30. que je prends du début des traces et je remonte un peu en regardant vraiment tout autour. Une bêtise, un truc qui traîne, un emballage, je sais n'importe quoi. Donc vraiment je remonte ces traces de roues au maximum. Et je regarde un peu, je suis un peu ça quoi. Je remonte un petit peu, c'est assez facile parce que voilà, il n'y a que ces traces là. Mais assez vite, quand tu arrives au niveau du cordon, etc., bah, les traces sont un peu plus confuses avec les traces de pas et puis ouais. Les autres traces de voiture qui sont arrivées de la Donc police. Donc je perds la trace, ok. Donc tu la perds assez facilement, tu supposes que la voiture a fait demi-tour pour repartir de là où elle est venue. Ok, ben je vais voir. Du coup, je vais voir McCormack. Donc le shérif. Le shérif. Ouais. McCormack. Ouais. Bon, je pense en avoir terminé pour l'instant. Vous savez quand est-ce que le légiste va arriver ou pas? Non, je sais pas, il a un peu de retard. Okay, il devait finir du boulot, il va arriver là dans peut-être une heure ou deux. Ouais, je comptais l'attendre, mais c'est de toute façon, là, si vous avez autre chose à faire, je pense que dès cet après-midi, il y aura. Écoutez, il y aura un premier rapport préliminaire. Vous essayez d'envoyer l'information maximum à la brigade. Sinon, je viendrai moi-même au labo du médecin légiste. Ouais. J'ai sur le corps, j'ai rien trouvé de spécial, ouais, non, vraiment rien bien. Du tout. J'ai trouvé des traces de pneus, donc je le montre la direction, donc là-bas. Toi qui jette un petit coup d'œil. Ouais, effectivement. Des pneus assez imposants, je vais essayer de me trouver des informations par rapport à ça. Il se retourne et... Viens voir, s'il te plaît. Il appelle un policier qui tient le cordon. Et va me chercher un appareil photo et prends-moi une photo des traces de pneus là-bas, s'il te plaît. On va le donner au détective. Ça, merci. On pourra essayer de voir peut-être si vous avez des infos. Merci. Du coup, donc oui, les traces de pneus. Je pourrais pas remonter plus parce que bon, elles sont un peu perdues, ouais, avec toutes les traces qui sont aux alentours. Là, je vais essayer de regarder au niveau des portées disparues. Si déjà il y a une plainte qui a été déposée, ça pourra peut-être m'aider. Ouais, bien sûr. Sinon, l'hypothèse pour l'instant, je pense que vous l'avez vu, hein, plutôt maquillé. Après, les talons plutôt bien habillés. J'imagine que c'était pour une réception ou quelque chose comme ça. J'imagine quelque chose de la nuit. Ouais. Hier soir, je vais essayer aussi de me renseigner pour savoir. Bon, je pense que je vais un peu me perdre là-dedans. À Los Angeles, des réceptions. Parce qu'il manque. Et il n'en manque pas, mais je vais essayer de voir un peu s'il y a aussi des plaintes qui ont été déposées par rapport à un quelconque souci hier qui pourrait paraître anodin. Mais bon, vous savez très bien que ce qui est anodin dans notre métier. Ouais, c'est vrai. Mais écoutez, on reste en contact, détective. Ok. On vous demande d'informations, vous savez comment ça se passe, vous y a pas de soucis, faites un appel à la brigade et on vous transmettra tout ce qu'il faut. On s'occupe de ça. Super. Non, merci beaucoup et à bientôt, voilà. On aura affaire très vite. Je retourne vers la voiture. Oui, il est passé 9h. Je me pose un peu avant de redémarrer, comme à mon habitude. De toute façon, c'est bon pour la santé, je rallume une cigarette. Là, comme à mon habitude aussi, j'ai mon petit calepin. Et là, avant que, même si pour l'instant j'ai peu d'informations, mais parce que là j'ai pris des notes, mais j'essaie de vraiment plutôt bien rédiger en même temps. Donc je suis dans la voiture, je rédige un peu dans mon calepin pour vraiment avoir toutes les informations importantes. Je termine ma cigarette, je termine de rédiger, je pose et j'y vais. D'abord, je me dirige vers la brigade, premièrement. Okay. À la brigade, je vais un peu faire mon rapport à Boom Berger, le capitaine. Capitaine, ouais. Donc je lui fais mon rapport, je lui donne toutes les informations en gros que je viens de donner à McCormack. Ok. La procédure. Et après, j'essaye de trouver des informations un peu sur si éventuellement des personnes disparues, portées disparues, s'il y a des plaintes qui ont été déposées, du moins entre hier et aujourd'hui. Ok. Donc tu vas voir, tu as une petite section, un petit bureau qui reçoit tout ce qui est fax, etc. de la région, du comté, sur les portées disparues. Donc ça là, c'est des petits bouts de papier, des brèves, tu vois, qui sont envoyés directement au poste, etc. Tu demandes, tu regardes les portées disparues récentes des derniers jours. Il n'y en a pas beaucoup, tu trouves quelques hommes, quelques femmes. Beaucoup de femmes qui correspondraient à la description, voilà, c'est assez général, quoi, caucasien, enfin caucasienne, relativement jeune, etc., brune, bon, c'était pas beaucoup. Et pendant que tu cherches, t'as un policier qui vient de transmettre une petite enveloppe. C'est pour vous, monsieur, c'est la photo qui a été demandée pour ce matin. Ok, je vous Une trace remercie. de pneu qui a été développée. Je vous remercie. Je l'ouvre, je l'analyse pour voir si elle est. Tu regardes, tu la vois Ouais. distinctement avec les rainures, etc. Des... Je la range sur moi. Ok. Donc je continue. Du coup, j'imagine que cette section-là, c'est vraiment la section des. Tout ce qui est information, quoi. Ouais, c'est là où Ici, tu reçois en les informations priorité. arrivent ici, elles partent aussi d'ici. Du coup, je vais voir quelqu'un en charge un peu tout ça et je lui demande vraiment d'essayer de contacter un peu comme il peut pour avoir des petites informations s'il peut à toutes les brigades un peu de Los Angeles, j'imagine qu'il y en a plusieurs pour une Oui, ville bien comme sûr. Los Angeles, pour éventuellement s'ils ont ne serait-ce qu'une information sur un événement pendant une réception, qu'elle soit mondaine, qu'elle soit un peu chic ou vraiment Ouais. autre. Donc n'importe quelle réception, s'ils ont une information importante, une plainte qui a été déposée ou quelque chose, qu'ils les réceptionnent et qu'ils me les transmettent. Ok, parce que là Et pour l'instant il n'y a rien de particulier, mais soit le temps que ça arrive ou le temps ouais, que ça soit au traité, tu moins seras voilà, mis au tu vois, c'est courant. pour mettre au courant aussi les personnes en charge de Ils tout savent ça. qu'il faut te contacter au moment. Et là, je me dirige vers, du coup, je pars de la brigade. Maintenant que j'ai la photo, je vais essayer de me diriger vers un garage. Si j'ai éventuellement un garage avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Il y a un garage qui est plus ou moins attitré pour s'occuper Ouais. des véhicules et tout de la police, Ok. de Los Angeles en général. Et tu connais un mec plutôt bien, un des garagistes là-bas, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc tu t'y rends, ça a une petite dizaine de minutes. Donc je m'y range, j'y vais. Donc je vais voir ce mec-là. Peyton, ça va? Monsieur Sewell. C'est ça, ouais. Comme beau le plaisir, tu vois qu'il a les mains un peu noircies avec le Du cambouis. cambouis, tout ça. Écoute, je suis sur une affaire actuellement. Ouais. On a retrouvé un cadavre, pas très loin d'ici, et La j'ai besoin de routine. ton. La routine, exactement. J'ai besoin de ton expertise concernant des traces de véhicules. D'accord, des traces de pneus. C'est ça, exactement. Tiens, j'ai la photo. Je lui Ok. donne les dimensions aussi parce que sur la Ouais. photo, il peut pas avoir forcément. Ok. Tiens, si tu peux avoir quelques petites informations sur le véhicule au Ok. moins, ça pourrait nous aider. Il regarde. Écoute, difficile à dire comme Voilà ce ça. que je me disais. Hein. Tu peux me laisser 10 minutes, je vais aller voir derrière s'il y a des mecs Ouais, vas-y, qui. vas-y. Qui ça parle. Donc il dit j'arrive. Je t'attends. Tu vois partir à l'arrière du garage, etc. Donc t'attends une petite dizaine de minutes. Maman, il vient avec un deuxième garagiste. Monsieur, bonjour. Bonjour. Le chef m'a montré la photo là et bon comme ça vu le nez je suis pas certain mais déjà je pense que c'est une grosse berline. Grosse berline, ok. Ouais, une voiture de type berline, pas le genre voiture usuelle qu'on peut avoir pour tous les jours. Et comme ça, parce que je crois déjà en avoir vu, ça me semble être Cadillac. Cadillac, ok. Ouais. Faut que je cherche un peu plus précisément, mais Cadillac type limousine quoi. Ok. Le genre de voiture pour des gens assez aisés quoi. Assez aisé, donc Pas pour le commun des mortels. le showbiz, tout ce qui est Ouais. jet set, tout ça. Ok. Voilà, Cadillac sans doute assez récente, 48, 49. Ok. Quelque chose de vraiment de bonne facture. Donc ça m'avance pas Ouais, mal. Cadillac limousine, je dirais. Je suis pas sûr, il faudrait. Je peux faire des recherches si je peux avoir la photo ou un double, Écoutez, je peux vous fournir la photo, hein. De toute façon, elle était là Après, pour vous, hein. il me suffit de voir 2, 3 personnes mais je pense que mon premier avis est le bon. Écoutez, Hein. si vous avez de plus amples informations, vous avez l'habitude, vous savez où nous contacter. Ouais, bah écoutez, je demanderai à Monsieur Sewell à la brigade des mœurs, je vous dirai quoi. Super. Enfin, je vous remercie, en tout cas, ça Voilà, m'aide beaucoup. Cadillac Limousine. Cadillac Je suis Limousine, quasiment parfait. sûr. Ok, donc Bon, bonne journée. bah bonne journée à vous aussi. À bientôt. À toi. Là, c'est plutôt intéressant. Donc là, il va bientôt, on est en fin de matinée, 11h, 11h30, tant que J'ai fait des recherches au poste, puis je suis dirigé vers le garage. 11h, 11h30, je me dirige vers un dîner. Commander un peu à manger et tout seul. Mon carnet, mon calepin, mes informations, bon, j'en ai pas plus, hein. Ouais. J'ai que la voiture, mais comme à mon habitude, j'essaie un peu de mettre en ordre un peu tout ça et réfléchir un peu à ce que je vais faire durant cet après-midi. Et au moins, comme ça, moi, je laisse le temps aux informations aussi d'arriver, le médecin légiste. Ok. Avec un peu de chance, il aura terminé. Est-ce que là où tu manges, c'est un dîner plus ou moins habituel, là où tu vas assez souvent, ou ça? Ouais, c'est ça. Le truc que tu as trouvé. Non, c'est un dîner pas très loin de la brigade. J'ai l'habitude d'y aller parce que les gens sont accueillants, j'aime bien la bouffe. Ok. Pendant que tu manges, tu vois Flynn à travers la baie vitrée qui s'est garée. Le journaliste que t'as croisé plus tôt. Qui arrive, qui rentre. Détective, je peux? Monsieur Flynn, allez-y, vous pouvez vous asseoir. Il s'installe, il demande des œufs brouillés et du bacon à la serveuse qui passe. Écoutez, j'ai mené quelques recherches et j'ai un contact du nom de Al Solozo. Al Solozo? Ouais, c'est un mec. C'est un pseudo ou? Non, c'est son vrai nom. Un mec qui travaille dans le milieu de la nuit, tout ça. Et je me dis que ça pouvait être lié. Voilà, et bon. Officiellement, il a un club, comme on dit, mais bon, dans les faits, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez très bien vous offrir des services de la part de quelques jeunes femmes. Je me dis que ça serait une bonne idée d'aller le voir pour lui poser quelques questions, peut-être que... Vous n'êtes pas encore allé, vous? Non, je suis pas encore allé, parce que, bon, c'est bien. C'est pas mon métier, mais voilà, je... Donc, c'est quelqu'un que je connais. Ouais, Al Solozo, il a un club. Ok, bah c'est parfait. Dans le centre-ville. C'est parfait. Si vous voulez, je peux venir avec vous. Je le connais bien. Ok, ça, si vous le connaissez, ça sera... Ouais, ce sera peut-être plus simple. Ce sera plus simple, ouais. Puis voilà, je sais pas si vous avez un peu avancé sur... Non, bah écoute, ça confirme un peu ce que vous me dites. On a un véhicule. Très certainement une Cadillac, une limousine. Ah oui. Donc pas le genre de véhicule à aller dans ce genre de colline. Surtout, c'est pas un véhicule que tout le monde peut se permettre. Bien sûr. Donc milieu de la nuit, bon, on est totalement dans le... Ouais. Dans le thème. Non, bah parfait. Donc là, on termine de manger. Ouais, manger rapidement. Un café. Hop, on paye. Et on se dirige justement vers ce fameux Al Solozo. Donc c'est un peu plus dans le centre-ville. Donc tu conduis, il monte avec toi? Oui, oui. Il monte avec toi. Bien sûr. Il t'indique un peu l'adresse, etc. C'est justement les quelques rues, quelques quartiers où tu as ce genre d'établissement. Et assez vite, vous trouvez. Bon, tout est. Enfin, la devanture est fermée. En tout cas, les portes sont c'est fermées. Pas l'heure d'ouverture, de toute façon. Donc, vous êtes en tout début d'après-midi. C'est pas l'heure d'ouverture. Voilà, c'est juste là. C'est fermé de type. Portes fermées ou de type un peu grillage C'est des portes qui sont fermées, t'as des volets devant les fenêtres. Mais les portes en tout cas du club sont juste fermées. C'est pas, y a pas de grillage devant. Non, c'est en plein milieu de la rue, y a pas de... Bah on se dirige vers une porte d'entrée. Y a la porte principale, une double porte. Bah j'arrive devant la porte et je toque. Tu frappes à la porte. Oui, c'est pourquoi Je me présente Carl Sewell, brigade des mœurs d'Hollywood. J'entends un petit cliquetis, verrouillage de la porte. Puis la poignée qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre en grand. Je vois un homme bien habillé, assez grand, costaud. Ouais, je peux vous aider? On vient vous voir pour quelques informations sur... Un homicide qui a eu lieu. Un homicide C'est ça. Tu as quelqu'un un peu derrière lui. Vous êtes tous deux de la police? Ah non, moi je suis de la police, mais... Juste ici, bon. Je suis journaliste, mais... Une fois qu'il regarde et... Il connaît votre... Oui, je connais El Sorozo, je connais votre patron, ça devrait... C'est la part de Flynn, il me connaît. Ça devrait bien se passer. Ils vont aller rentrer. En rentrant, je regarde Flynn, je fais bon, j'espère que vous avez ramené les photos que vous avez prises ce matin. Oui, j'ai le temps de les développer, il n'y a pas de souci. Parfait. Donc vous suivez le mec, vous rentrez quasiment tout de suite dans une grande salle. Pisse de danse, etc. Table, chaise, bar, évidemment. Et puis il vous dirige vers un petit bureau et dit « Je vous attends là. Vous pouvez rentrer. » Je vois Flynn qui tape à la porte. Vous entendez « Oui !» derrière. Puis vous ouvrez, vous rentrez. Monsieur Carl Sewell, Brigade des Mœurs, LAPD. Tu vois un homme qui se lève, très bien habillé, trois pièces. Plus beaucoup de cheveux, un peu rondouillard. Il se lève de son grand bureau. Il vous salue. Monsieur Flynn, il lui tend la main. Il lui serre la main. Un cage d'honneur. Comme je viens de vous le dire, Carl Sewell. LAPD, Brigade des Mœurs d'Hollywood. Très bien. J'aimerais vous poser quelques questions sur un homicide qui a eu lieu pas très loin de Los Angeles. Ouais. Ces dernières 24 heures. Vous êtes en train de m'accuser au moins ? J'ai personne n'a dit ça, monsieur. Très bien, bah écoutez, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie. Dites-moi tout. Écoutez, bon, je vais pas vous donner plus de détails, hein, mais on a trouvé un cadavre. Une femme... nu. Et mon ami ici présent, monsieur Flynn, a eu l'intime conviction que pour y avoir quelques informations sur cette femme. On l'a retrouvée plutôt bien maquillée. D'accord. Des talons. Très certainement en lien avec le monde de la nuit. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui se maquillent à Los Angeles. Ça, j'en doute pas. Ouais. Mais des femmes qui se retrouvent dans cet état-là sont très souvent liées au monde de la nuit. Rare. Bon, croyez-moi. Est-ce que vous aurez des photos ou quelque chose à me montrer? Flynn, oui, tu vois qu'il sort des photos de sa sacoche. Tu vois, il en a 4-5. On a une, on voit plus ou moins le visage de la femme en question, il est temps. Mais qui prend et regarde. Je suis navré, mais. Ça me dit rien du tout, messieurs. Je crois que je peux en faire de plus pour vous. D'abord, prends la photo. Je pense qu'on va encore quelques questions à vous poser. Aucune disparition, du moins une des filles qui travaillent chez vous qui aurait non. disparu, qui ne serait pas venue depuis un certain temps. Aucune, tout se passe très bien. Aucune échauffourée la veille. Je fais en sorte que l'ambiance reste toujours cordiale et bienveillante. J'en doute pas, mais il y a des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Ouais. Même avec la meilleures intentions. Je pense que vous perdez votre temps. Est-ce que vous auriez... Je pense que je suis à même de savoir si je perds mon temps ou pas. Est-ce que vous auriez peut-être quelques noms à nous donner? Écoutez, monsieur, tu vois qu'il se lève. Vous devriez aller voir Madame Wagner. Madame Wagner. Sue Rose Wagner. Wagner comme... Comme le compositeur, ouais. Sue Rose Wagner. Rose Wagner. D'accord, c'est noté. C'est une ancienne cowgirl. D'accord. Qui est maintenant installée à Beverly Hills. Et je sais par expérience, même si je n'ai rien à voir là-dedans, qu'elle est rabatteuse pour de nombreuses soirées privées. Elle est en charge de... mettre en relation des jeunes femmes avec des clients qui souhaitent passer de bons moments dans leur club. Donc je pense qu'elle sera plus à même à vous renseigner sur cette fille que moi. Beverly Hills, c'est ça? Ok. Elle a Beverly Hills. Je pense que votre ami Flynn doit la connaître. Elle est connue dans tous ces milieux-là. Je vous remercie de l'information. Merci d'avoir coopéré. Vous avez fait une bonne action, et puis on va vous laisser tranquille. Je crois que je peux plus rien pour vous, messieurs. À vos occupations. Très bien. Mais vous êtes le bienvenu dans le club, si jamais on vous y prend. Écoutez, on verra ça. C'est un plaisir d'avoir un agent de la brigade des mœurs ici. On verra ça, oui. Mais bonne journée, messieurs. Monsieur, bonne journée à vous aussi, et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Vous êtes accompagné gentiment vers la sortie. On sort. Oui, dans la rue. J'imagine début d'après-midi. Un petit début d'après-midi, ouais. J'aimerais faire un crochet à la brigade avant d'aller à Beverly Hills. Ok. Pour voir s'ils ont des informations quelconques. Ouais. Entre temps, donc je m'y dirige. Avant, il y a Flynn qui. Bah, je le ramène là, du coup à sa voiture avant, puis, bien sûr. Et puis il parle avec toi et dit qu'effectivement. Il connaît cette, enfin au moins de nom, cette madame Wagner. Et qui voilà est connue pour ce genre d'activité dans les milieux nocturnes à Los Angeles. Il la connaît personnellement ou... Non, il la connaît pas personnellement. Il la connaît, on va dire, de réputation. C'est un nom qu'il a déjà pu voir passer dans des témoignages, ce genre de choses. Ouais, de toute façon, c'est totalement son. C'est son milieu, domaine, quoi. Donc il sait qu'elle est assez connue, enfin en tout cas, pour ce genre de travail. Donc effectivement, peut-être, il y aurait une piste à creuser par là, en tout cas. Ok. On va te remercier, et puis si jamais... Ouais, je le remercie aussi, de l'information. Tu peux l'appeler et tout, t'as son numéro. Ouais. Donc je le dépose à la voiture, et je me dirige vers la brigade. Ok. Donc t'arrives au poste. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais pas aller voir le capitaine pour l'instant, parce que bon, c'est pas trop le... Pour l'instant, je vais attendre un petit peu d'avoir plus d'informations, mais je vais au pôle de renseignement, voir si justement ils ont des informations pour moi. Avec les disparus, tout ça. Disparus et le médecin légiste aussi, s'il a donné quelques informations, s'il a dit qu'il fallait aller au labo ou quelque chose comme ça. Donc tu vas voir, il n'y a pas d'avis de disparition qui collerait, son avis, on a reçu de nouveau depuis, okay. Qui collerait avec ton signalement. Par contre, ouais, tu peux te rendre à la morgue. Il y a le légiste qui a déjà fait son rapport préliminaire et tu peux en discuter avec lui. Et là-bas, le corps a déjà été ramené. Donc la morgue est à côté, hein, c'est un bâtiment à côté. Ouais. Bon, j'y vais directement de façon à la morgue. Ok. Donc tu y vas assez vite, etc. Tu connais le bureau. C'est le docteur Angelo de Coltisis. Tu connais bien. Donc Angelo de Coltisis. Donc il y a la petite plaque devant son bureau. Je toque. Tu toques. Je me permets d'entrer. Tu peux rentrer. Ah, monsieur Sewell. Faut qu'il se lève. Angelo. Il tend la main. Comment ça va? Écoutez, je suis content de vous voir. On m'a ramené le corps en question, la jeune femme retrouvée ce matin sur les collines. Oui. De Santa Monica. Tu vois qu'il sort il prend un petit calepin sur son bureau. Qui commence à lire. Écoutez, j'ai fait premier rapport préliminaire. Vous savez très bien qu'une étude plus approfondie demandera plus de temps. Je ferai en sorte d'avoir rendu au capitaine mes conclusions d'ici demain après-midi. C'est parfait. Puisque c'est une affaire urgente. C'est ça. Donc de ce que j'ai pu faire et voir, la victime aurait eu de multiples rapports sexuels. D'accord. Environ 4 heures avant sa mort. D'accord. Une mort que j'estime entre 3 et 4 heures du matin. Donc si j'ai bien suivi, une voire 2 heures avant l'appel de signalement. Néanmoins, et contrairement à ce que laissait présager la scène de crime, je pense sincèrement que les rapports en question étaient consentants. Une pas de marque de blessure à l'intérieur de... Du corps n'est pas forcément endommagé comme les viols peuvent le faire. D'accord. Aussi, aucune marque de piqûre sur le corps. Donc, on peut oublier l'hypothèse de drogue intraveineuse, notamment. Pour les rapports toxicologiques, il faudra attendre un petit peu le temps que tout soit traité. Et puis surtout, je pense que vous l'avez vu sur la scène du crime, aucune blessure apparente sur le corps. Ça, j'avais déjà pu le... Donc, la mort avec violence ou combat est à écarter aussi. Puis évidemment, il y a de très grandes chances que le corps ait été traîné. Jusque-là, il y a quelques traces au niveau du dos qui peuvent laisser présager ça, mais étant donné le lieu où on a trouvé le corps, ça semblait plutôt logique. Pour l'instant, je j'en sais pas beaucoup plus. C'est déjà pas mal. J'espère que ça pourra vous aider à... C'est déjà pas mal, ça nous avance pas mal. Ouais. Ouais, ouais, c'est parfait. Bah, je vous remercie et je vais vous laisser... Et puis, dès que j'ai le rapport final, il vous sera transmis. Parfait, parfait. Vite. Bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci et bon courage pour l'enquête en tout cas. Je vous remercie. Bonne continuation. Je sors, il est pas loin de 15h. J'arrive vers ma voiture. J'allume une cigarette. Puis je me dirige vers cette madame Wagner à Beverly Hills. Est-ce que tu sais où elle habite? Beverly Hills, ouais, c'est assez grand. Ouais, t'as quand même beaucoup de... J'essaie de trouver peut-être dans nos papiers d'abord, avant. Si je peux éventuellement avoir quelque chose, sinon je me démerderai. Tu vas voir. Mairie de quartier, Flynn, peut-être qu'il a l'information. Ouais. Tu vas voir dans les papiers tout ça. Et assez vite, en plus t'as son nom complet, etc. Tu trouves une... C'est madame Wagner. Elle a aucun casier. Mais assez bizarrement, effectivement, elle est dans vos fichiers. Donc peut-être que voilà, c'est... Témoin, voilà, avec les échos qu'il y a pu avoir. Victime peut-être aussi. C'est quelqu'un dont vous avez gardé les informations. Donc t'as son adresse plus précise. Ouais. À Beverly Hills, dans un quartier précis. Je visualise à peu près. D'accord, parfait. Et t'as une petite note qui était accroché qu'un trombone à côté, qui précise que c'est marqué attention, lien avec Dick Carpician. D'accord. C'est... Tu peux me faire un jet d'éducation pour savoir si ça te dit quelque chose. C'est réussi. Effectivement, juste comme ça de nom. Tu sais que c'est un gangster assez puissant, influent. Et donc c'est Dick Carpician. Donc Carpician avec un K. K-A-R-P-I-2-S-I-A-N. Donc un gangster assez influent. Et justement, lui il est à la tête de la mafia arménienne. Ok. À Los Angeles. Et tu sais aussi, t'en sais pas beaucoup plus, mais tu sais que justement il est assez... nouveau dans le paysage, on va dire illégal, okay, de Los Angeles. C'est pas un grand parrain qui est là depuis des années et des années. Il est assez nouveau, mais il s'est quand même fait repérer assez facilement. Et voilà, il est nouveau, donc on sait pas trop ce qu'il vaut, etc. Ouais. Mais il protège, enfin en tout cas il y aurait des liens, selon ce que t'as vu, avec Miss Wagner. Mais sur lui, t'en sais pas plus pour l'instant. D'accord. Parfait. J'ai son adresse. Je m'y rends. Tu prends ta voiture. Ouais. Tu te rends dans les collines de Beverly Hills. Quartier résidentiel. Et à l'adresse indiquée, tu vois une belle maison. Une grande maison bourgeoise. Assez fréquente dans ce quartier-là. Tu vois que... Il y a un portail. Métallique. Un grand portail métallique gardé par un homme tout en noir et qui tu distingues une arme de poing à sa ceinture, chose qui est possible. Il y a le port d'armes, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je me dirige vers lui. Monsieur. Bonjour. Je me présente, Carl Sewell, LAPD, Brigade des Mœurs d'Hollywood. D'accord. J'aimerais discuter avec votre maîtresse de maison, si possible. Très bien, c'est pourquoi ? J'aimerais lui poser quelques questions sur une femme qui aurait disparu. Rien de bien méchant. Très bien. Bah, écoutez, suivez-moi. Je vous suis. Il ouvre le portail, vous marchez une petite allée. C'est pas très très long, mais de quoi se garer, etc. Ouais, ouais. Et vous montez les quelques marches qui mènent à la porte. Il dit, vous pouvez m'attendre là, quelques minutes. Il rentre. Et au bout de quelques secondes, il ouvre et t'invite à rentrer. Vous allez au fond. Je vous remercie. Dans le grand salon. Donc tu rentres, très beau bâtiment, quelques coins en marbre, des jolies moulures, etc. C'est assez aisé quand même. Et puis tu rentres dans un grand salon avec une belle baie vitrée qui donne sur le jardin derrière. Et tu vois une grande femme blonde, peut-être un peu plus de 40 ans, qui est assise à une grande table, qui lit son journal, qui boit un petit thé, sans doute. Elle te regarde. Elle se lève. Monsieur. Madame, je me présente, Carl Sewell. Je suis enchanté. Partie de la brigade des mœurs d'Hollywood. J'aimerais vous poser quelques questions sur un homicide qui a eu lieu ce matin. Mmh. J'ai vu l'un de vos contacts il y a quelques heures, monsieur Alsolozo. Oui, c'est possible. Qui m'a transmis votre nom. Mmh. D'après lui, vous pourriez me donner quelques petites informations sur cette femme. Oui, vous aurez une photo à montrer. Je lui montre une des photos que j'avais. Ok. Elle prend la photo. Je suis désolé, monsieur. Je connais pas du tout. Je suis désolé pour elle, mais je connais pas du tout cette fille. Elle avait, après l'enquête du médecin légiste, eu quelques rapports sexuels avant. Mmh. Et vous l'avez pas, vous savez. Vu son maquillage, ses chaussures. Mmh. Et qu'il ne lui reste que ça. Elle a mis l'hypothèse qu'elle aurait pu avoir affaire avec un milieu que vous fréquentez un petit peu. Ouais. Ou du moins que vous avez plutôt fréquenté d'après nos informations. Donc, je pense que... Écoutez, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas cette fille. Et puisque vous avez l'air au courant de mes activités, je n'ai fourni aucune fille hier soir pour quelconque soirée. Donc je suis incapable de vous aider, je suis désolé. Ce milieu est où ça parle beaucoup d'informations qui, mm-hmm. qui tournent. Est-ce que vous n'aurez pas quelques petits tuyaux? Je suis navré, monsieur, mais je n'ai vraiment rien plus à vous dire. Éventuellement un nom. Je le répète, mais je ne connais pas cette fille et je ne vois pas qui pourrait la connaître. Je suis désolé, monsieur, mais vous êtes trompé de personne, je crois. Qu'une disparition. Qu'un non. antécédent de disparition dans... chez... du côté de vos filles. Écoutez, non, je fais toujours attention à prendre soin au maximum. Je pense que... des filles avec qui je travaille. Comme je vous ai dit, je ne connais pas, donc je crois que je suis inutile pour vous dans cette enquête. Je suis désolé. Je sens bien que... je l'embête un petit peu. Tu l'embêtes, elle est réticente. Elle n'a pas envie de te répondre. Je pense que Madame Wagner, on est parti du mauvais pied, vous et moi. Je pense clairement que vous avez quelques informations à me donner, ne serait-ce qu'une petite information. Vous savez, Brigade des Mœurs... De la Brigade des Mœurs ? Brigade des Mœurs, je vous l'ai dit en arrivant. Nous, on s'intéresse plutôt aux homicides. Tout ce qui touche au milieu de la prostitution. C'est pas trop notre... à part quand il y a des meurtres en lien avec ce milieu-là. Mais c'est pas vraiment notre milieu. Donc, personnellement, vos affaires, tout ce qui se passe dans votre milieu, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, je suis juste là pour cette femme. Le reste... Est-ce que tu peux me faire un jet de persuasion, s'il te plaît ? C'est mes collègues. Et il se peut que je n'ai pas à leur touché deux, trois mots. Elle se lève. Elle va chercher une cigarette. Vous fumez, monsieur Sewell ? Je fume, oui. Écoutez, je vous invite à venir fumer avec moi dehors si vous le souhaitez. Je suis. Donc tu vois, elle ouvre la grande baie vitrée, etc. Une belle terrasse, un jardin et compagnie. Elle s'allume sa cigarette et... comme je vous l'ai dit, je suis incapable, en toute sincérité, de vous dire qui est cette fille. J'ai compris que vous n'étiez pas là exactement pour m'incriminer par rapport à mes, non, à mes activités. Mon but. Et puis, je, de toute manière, vous savez, je ne fournis plus autant de filles que par le passé. Je sais que j'ai une réputation qui me précède, mais celle-ci n'est plus trop au goût du jour. Maintenant, je me concentre davantage sur les soirées privées, plus restreintes, avec des clients qui ont des attentes bien précises et qui rapportent justement beaucoup d'argent. Parce que ces clients ont des goûts, des envies, parfois assez particulières et qui, pour être satisfaites, demandent beaucoup de travail et de ce fait, le prix est souvent beaucoup plus important que ce que j'ai pu faire par le passé. Ce que je peux vous dire, monsieur Sewell, c'est que les filles que j'emploie viennent le plus souvent du Standard. C'est un club privé sur Hollywood Boulevard. D'accord. Et je peux vous assurer, monsieur, détective. Détective, c'est ça. Que ce qui m'importe le plus dans mon travail reste et restera la protection de mes filles et que les clients ne les blessent pas. J'en doute pas, j'en doute pas. Je peux vous assurer que cette pauvre fille, si jamais elle a un lien avec tout ça... Ce n'est pas bon pour le... N'est pas et n'a jamais été... dans le cadre de mon travail. Bah écoutez, on verra des informations plutôt intéressantes. Écoutez, vous cherchiez un nom, voilà, j'ai... Ah, ce sera... Le Standard, le patron du club, c'est un certain monsieur... Matson. Matson. Clark Matson, propriétaire du club, j'ai eu affaire à lui à l'occasion, évidemment, pour Est-ce le travail. Est-ce que Monsieur Matson, vous savez si partage les mêmes valeurs que vous dans la protection Écoutez, et le bien-être de ses filles? Pas que je sache. On n'a jamais beaucoup discuté, mis à part pour les affaires les plus formelles, lui et moi. Donc il faudra lui demander. D'accord. Je crois que je peux pas faire beaucoup plus pour vous. Le détective. Je vous remercie pour cette information. Y a pas de quoi. Je vais vous laisser continuer ce que vous étiez en train de faire. Très bien. Souhaitant une agréable fin de journée. Également. Et donc t'as le garde du corps qui te raccompagne. Je retourne à mon véhicule. Et qui te ramène dehors. Donc là il est passé 16h. D'accord. En 16h30. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais retourner au bureau. Mmh. Je vais informer le capitaine. Ok. Bon berger. Mmh. Je vais faire ma paperasse. Donc toutes les informations. Premier rapport, on va dire. Tout ce que je dois faire. Dans le cadre du travail. Puis après, j'aimerais bien aller prendre une petite visite à Flynn. Ok. Donc tu sais où le trouver, il est sans doute au journal. Ouais, au journal. Ça va passer. Donc tu vas d'abord, tu m'as dit au bureau. Donc je fais toute ma paperasse comme ça, hein, le classique. Je fais mon petit rapport aussi au capitaine, hein, comme j'ai dit. Et après, je me dirige vers le Holy Scoop. Ok, tu vas au Holy Scoop. Donc, tu fais ton rapport au capitaine. Il n'en sait pas plus que toi. Il espère que tout va aller pour le mieux. Mais tu arrives au Holy Scoop. Et c'est une sorte d'open space, plus ou moins. Et un petit bureau, parce que tu reconnais Flynn qui est derrière. Détective ? Flynn, j'ai eu quelques nouvelles informations et j'aurais besoin d'un peu de... Dites-moi. Ton expertise sur un certain lieu. Ouais. Je pense que t'as quelques informations en vue de ton travail. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Standard et sur son patron, Clark Matson? Est-ce que t'as des petites informations sur... Ouais, le Standard, ça me dit quelque chose. Je sais que effectivement c'est un club assez réputé. Ouais. Surtout pour sa partie la plus officieuse, dirons-nous. Sur Hollywood Boulevard, je crois. Et effectivement, ouais, Madsen, ça me dit quelque chose. Je sais qu'il a, il a beaucoup d'influence. Après, de là à dire s'il est impliqué dans, dans des milieux vraiment illégaux, type mafia, ça je saurais pas dire, mais t'as eu une piste de ce côté-là. J'ai été voir Wagner. Ah, d'accord. J'ai du mal hein, à lui choper quelques informations. On va dire qu'elle était un peu réticente. C'est une femme qui a une réputation. C'est ça. Et finalement, on a réussi à trouver un petit compromis. Et elle m'a justement donné le nom, le lieu où justement viennent ses filles, d'où viennent ses filles. Okay. Donc justement, comme je te disais, le standard. Et ouais, son standard. Patron, Clark Madsen. Non, je sais que c'est un lieu quand même très réputé parce que voilà, j'ai déjà pu avoir des scoops de personnalités connues, des manières de l'immobilier, du ferroviaire, même des hommes politiques influents. Qui ont eu son passage à Los Angeles vont au standard, ouais. Justement, je sais pas si c'est un lien avec le crime, mais c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Il se peut que cette femme ait travaillé là-bas. Hein. Tu sais toujours pas qui ça peut être. Que justement cette Wagner, elle était passée à un business un peu différent avec des hommes un peu plus influents. D'accord. Puis je sais que t'es pas sans savoir que c'est souvent ces hommes-là qui ont les passe-temps les plus... Ouais, bizarre. Bien sûr. Malheureusement, j'en ai vu dans ma carrière et encore, j'ai pas... je sais pas tout. Mais écoute, c'est sans doute là-bas qu'il faudrait se rendre. Après, je vois qu'il y a une horloge. Je me doute que ce soit... Je pense que c'est fermé à cette heure-ci. J'ai prévu d'y aller de toute façon ce soir. Je pense que si tu veux y aller, moi je veux bien aller avec toi, mais il faudrait y aller dans la soirée. Et puis surtout... c'est un club UP, comme je disais, et tout le monde ne peut pas rentrer, alors je sais pas si tu veux tenter d'y aller en tant que policier ou bien, mais... Non, mais je peux essayer de trouver un moyen Ça se compte à plusieurs centaines de dollars si on veut prendre une table ou ce genre de choses. Je peux essayer de trouver ça, l'argent, c'est pas un souci dans le cadre de l'enquête. Okay. Les fonds, je les aurai. Et ça, c'est clairement pas un souci, mais non, on n'ira pas en tant que... J'irai pas en tant que détective. Écoute, si tu veux... Je vais essayer de voir de mon côté. Ouais. En faisant des recherches sur Miss Wagner, j'ai vu qu'elle était liée avec un criminel plus ou moins dangereux, arménien. Ouais, c'est ça. Et dit que. Ouais, monsieur Karpisyan. Karpisyan. Donc, si tu veux, jusqu'à ce soir, je peux faire des recherches sur lui, sur le standard. On se retrouve sur les coups de 20h, 20h30. On débrief et on se rend en standard. Parfait. Bon. Très bien. Passe par chez toi avant. Ouais. Il faudrait que tu sois un petit peu mieux habillé, du moins. Ouais, je vais. Pour l'occasion, quoi. Avec mon costume de mariage, je pense. Bon, et ben, on se retrouve tout à l'heure alors. Super. Là, je. Du coup. Donc là, il a un petit. Petit soirée, un petit 18h. Ouais, je rentre chez moi. Je vais me préparer, je vais me changer. Je vais commencer aussi à écrire, justement. Par rapport aux finances, j'ai de la paperasse, j'imagine, je remplis toute la paperasse qui me permettra justement de pouvoir lever les fonds par la suite pour pouvoir rentrer. Ça, je sais que, surtout Brigade des Mœurs, pour ce genre d'enquête, c'est pas un souci qui plus est. Tu décides quand même de préparer de l'argent ou pas? J'ai la chance de... Ouais, je vais quand même préparer un jet de crédit, s'il te plaît. Ouais. Pour savoir plus ou moins... C'est raté. Ouais. C'est raté. Donc là, au maximum, tu peux prendre 300 dollars avec toi. De toute façon, j'ai... Tu sais que c'est pas, on va dire, suffisant si tu veux payer certains trucs. De toute façon, nous, c'est l'entrée. Après, on verra par la suite, quoi. Ouais. Donc là, tu peux prendre 300 dollars avec toi. Donc, je me prépare, je mange, bien sûr. Je m'habille en conséquence. J'en fais pas non plus trop, mais je m'habille plutôt bien. J'ai ça. Très certainement encore des vêtements qui me restent de l'époque de l'affaire. J'étais un peu sous le feu des projecteurs. Et vers 20h30, je décide de rejoindre... Vous avez rendez-vous pas exactement devant le club? Non, un peu plus loin pour dire de débriefer un petit peu, discuter avant d'y aller. Discuter tout ça. Donc tu vois, il t'attend, il est sur le trottoir. Donc t'arrives, etc. Siwell? Alors je suis bien là, je pense que... Je pense que ça fera l'affaire. Bon, j'ai été voir Solozzo, patron du club ce matin. Je me suis dit qu'il pourrait nous renseigner sur le standard, évidemment, parce que c'est à peu près le même genre de, bien sûr, de business. Et il m'a dit qu'il était un peu réticent, mais voilà, j'ai dit que c'était pour quelque chose d'important, une enquête, etc. Et qu'il avait sans doute pas envie qu'il soit mouillé dans cette affaire. Très certainement. Et il m'a dit que justement, il connaît Madson, il le connaît bien, en tout cas de nom et de réputation. Il m'a clairement fait comprendre que eux deux jouent pas dans la même catégorie. Ouais. Et que Madson, c'est une sphère au-dessus. Qu'il y a énormément de monde, comme je disais, qui y va. Peut-être très grande chance qu'il ait un lien avec la mafia arménienne. Ouais, si, bien sûr, en tout cas, si Wagner en a organisé. Madson en aura un aussi. Pour avoir les fonds pour attirer autant de gens, il m'a dit surtout qu'il y avait des choses qui se passaient dans des soi-disant chambres ou salles privées, qui sont très très sélectes et là où les fameuses stars et personnalités vont. Donc apparemment, c'est plus qu'un club lambda. Donc faut qu'on reste sur nos gardes et peut-être qu'on aura des infos là-bas. Ouais. Ok, parfait. Bon, on y va deux dans ta voiture? Ouais. On se garde devant, hein, je suppose qu'il y aura quelqu'un pour prendre la voiture. Pas de soucis avec ça. Bon, super. Vous montez, il est presque 21h, vous descendez un peu Hollywood Boulevard. Et oui, un bâtiment donc collé aux autres immeubles. Une façade noire et puis deux grandes portes tapissées en cuir molletonné là. Deux hommes armés là aussi, ouais, devant la porte. Une petite file de personnes qui attend devant. Il y a un bout d'un tapis rouge un petit peu qui déborde et tu distingues quelqu'un bien habillé, type majordome, sans doute le voiturier qui est là. Donc là t'arrives avec tes voitures. Je me dirige vers lui. Vraiment d'un air confiant. Je connais les lieux. Du moins, c'est ce que j'essaye de laisser paraître. Je me dirige vers lui, je fais « Monsieur, tenez », je lui donne mes clés. Et je me dirige vers la... $30, monsieur. Merci. Donc là, tu diriges vers la porte. Ouais. Avec Flynn. Tu fais quoi? T'avances avec confiance? Bah, avec confiance, mais il y a une file d'attente, c'est ça? Ouais, une petite file d'attente. Après, tu peux essayer de passer. D'abord, j'analyse, je me mets au fond de la file et j'essaie d'analyser un petit peu ce qui se dit au niveau de l'entrée. Tu vois des gens bien habillés, ouais, jet set et tout, voilà. Des petits rires, des gens qui rigolent, etc. Ça a l'air quand même d'être un milieu assez aisé. Il n'y a rien qui se dit particulièrement, les gens qui rigolent un peu en groupe, etc. Là, en avançant, je parle un peu à Flynn, je fais « Écoute, Flynn, j'ai peut-être un plan qui pourrait nous permettre de rentrer, mais j'ai peur que ce soit mal perçu. T'es pas sans savoir qu'il y a quelques mois, c'est-à-dire que j'ai un peu été mis sous le feu des projecteurs, avec mon collègue Nolan. Ouais, bien sûr. Du coup, on a réussi un peu à avoir une notoriété. Mais le problème, c'est que j'ai peur que si j'essaie de jouer sur ça... Ouais, mais c'est que c'est une autorité de détective, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Après, je sais que... tu le sais très bien, et moi aussi, que dans la police, on a énormément qui sont baignés là-dedans, mais dans la brigade des mœurs, c'est un peu plus rare, quand même. Ouais, parce qu'est-ce que... Je suis pas sûr qu'un détective s'amuse, une fois la journée passée, d'aller... C'est ça, ouais. Non, il me semblait bien. Ouais. Sinon, je t'aurais bien dit de jouer le rôle de Ward, mais malheureusement, on sait jamais. Non, c'est compliqué. Écoute, là, tu vois qu'il regarde un peu les gens devant lui. Je vois qu'il faut lâcher un gros billet apparemment pour rentrer. J'ai que $50. Ça nous fera $320, nous deux. Bon. Ok, on va voir. Puis en parlant, vous arrivez au niveau. Donc, vous avancez. Évidemment, il y a un des deux gorilles qui met sa grosse main sur Je m'avance, sur votre torse. Ouais. Je m'avance pas non plus jusqu'à. Tu vois, je m'avance. Je fais messieurs. Soit. Signe de tête. Pas de réponse. Pas de réponse. C'est combien ce soir? Il y en a un des deux qui vous regarde haut en bas, qui vous scrute. 100. C'est bizarre ça, 100. Habituellement, vous me faites un petit peu moins cher. J'ai plus l'habitude de m'en sortir pour 80-90, mais là, 100. Par personne, monsieur, 100$. 100$ par personne? Ouais, c'est les prix. Écoutez, je pense qu'on peut peut-être faire. Tu vois qu'il est pas là pour rigoler. Non, bah, j'aurais essayé, écoute. Donc tu lâches le billet, enfin bah, les billets de 100. Billet, bien sûr que je lâche le billet, j'aurais essayé. Hein. Bon. Malheureusement. Le billet, il les prend dans sa poche, il fait un signe à l'autre. Il ouvre la porte. Vous pouvez rentrer. Vous arrivez directement dans une grande salle. Vous voyez tout de suite. Un orchestre de musiciens en train de jouer un bebop enflammé sur une petite scène. Tu vois plein de filles très belles qui font clairement des striptease sur leur bar de pole dance sur la grande scène centrale. Un bar au fond de la pièce tenu par deux hommes entre 40 et 50 ans, bien habillés, en train de servir les verres. Tu vois que la salle est bondée de plein de petites tables. Quasiment toute pleine. Il y a à vue nez une cinquantaine de personnes dans l'assistance. À gauche du bar, un peu plus dans la pénombre, tu vois qu'il y a un homme qui a une tenue plus ou moins similaire à celle des portiers qui se tient debout devant une grande porte qui est recouverte de velours rouges.